Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Je me suis endormi à côté du katana. Est-ce que j'ai fait le traitement, nana? Une poussée dans le check, ça ferait tata. Ça les voit en croisière, ça les déprada. M'appelle quand y'a des pépins, là-bas. Tu fais le gros métier, t'es nada. Moi, je fais des manières, ça va. Je vous oublie tout, j'ai mis le U en mode strada. Tu fais le Golgot, tu fais le bandido. Les amants pour le buzz, c'est des gros mythos. Faut des max de l'emboliote, l'hélico. T'es une bonne personne, pourquoi tu fais le vito? Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Au guichet, ça te fait la tete, tete. Je m'appelais, c'est fait, tete. C'est vrai que t'es pas net, toi. Tete, t'es sur quelle planète, toi. Tete, pourquoi t'as pas de gana. T'es là, tu fais des menaces. T'as rien dans la tête. En plus, tu fais le tenace. Tu me fais le mainstream. Pour de bon, tu dois la lime. Pas comme ça, t'es plein de problèmes, mon sang, y'en a marre. C'est là, c'est pour ceux, un TP à la barre. Tu me fais le mainstream. Pour de bon, tu dois la lime. Pas comme ça, t'es plein de problèmes, mon sang, y'en a marre. C'est là, c'est pour ceux, un TP à la barre. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Faut jobber pour mettre bien mamacita. Petite maison, bord de mer, bella vita. Et mon bébé, mon cœur, je veux que toi. Je veux que toi, ma chiquita. Je suis endormi à côté du katana. Est-ce que j'ai fait le traitement, nana? Une poussée dans le check, ça ferait tata. Ça les voit en croisière, ça les prête.